Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Dans Jeanne R, une mystérieuse et effrayante créature, étrange bête sauvage, hyène enragée, hante le grenier et met le feu à la maison. Laissez-moi passer, Grace. Prenez garde, monsieur. Elle est un peu hargneuse ce matin. Mieux vaut nous en aller. Restez ici! Voici mon épouse, votre sœur, Mason. Regardez-la. Elle est folle, comme l'était sa mère, comme l'était sa grand-mère. Trois générations de folles furieuses. Sortez maintenant. Cette folle furieuse, c'est l'ex-femme de Mr. Rochester qui l'a fait enfermer et surveiller. À la fin des années 70, les essayistes américaines ont proposé une relecture féministe et un nom à ce topos de la littérature victorienne. The Mad Woman in the Attic. La femme folle dans le grenier. Dans la fiction, cette figure de la femme folle a donné lieu à une généalogie de personnages monstrueux, ridicules et parfois même érotiques. C'est la femme au foyer au bord de la crise de nerfs dans sa cuisine, mais c'est aussi l'écrivaine vierge folle ou l'adolescente arachnéenne de l'exorciste qui fait l'arc hystérique. Dans la réalité, ce sont Sylvia Plath, Zelda Fitzgerald, Madeleine Pelletier, Camille Claudel, Ada Lovelace, Anne Sexton... des générations d'artistes et de femmes savantes envoyées à l'asile. Comment alors cesser de croire à cette fiction? Comment arrêter de la répéter? Et comment sortir de la maison hantée? Les fantômes de l'hystérie. Histoire d'une parole confisquée. Une série de Pauline Chanu, réalisée par Annabelle Brouard. Épisode 4. Sortir de la maison hantée, le retour des refoulés. Pour moi spécifiquement, l'hystérie, c'est un mot qui vient de la peur. D'une peur mêlée de dégoût. On pourrait dire que c'est un mot projectif, c'est une projection. C'est-à-dire que c'est un mot qui va associer aux femmes un débordement d'affects. Alors qu'en réalité, ce mot, ce qu'il désigne, ce sont les affects qui débordent de celui qui emploie le mot. Hélène Frappa, écrivaine. C'est que c'est une énième façon de rapporter la parole féminine à son corps. Je veux dire de les rendre indissociables. À l'époque antique, dans les traités d'anatomie grecs et romains ensuite, la femme était censée avoir une double bouche, c'est-à-dire que l'utérus de la femme était corrélé à sa bouche qui parlait. Et il y avait beaucoup de planches d'illustration qui montraient l'utérus fermé par un verrou. Et il y a un lien entre une tradition qui disqualifiait dès l'origine la femme du logos, et qui, précisément parce que la parole de la femme était toujours corrélée à son utérus, c'est-à-dire à ce qui est dans elle, va ensuite s'exprimer dans sa parole à l'extérieur. Du coup, quand on a des planches anatomiques avec un utérus verrouillé, c'est directement lié au fait que la parole de la femme elle-même doit être censurée. Comme disait Sophocle, le silence est le cosmos de la femme. Look. The little picture's been taken down. Who took it down? Why indeed? Why was it taken down before? Will you please get it from wherever you've hidden it and put it back in its place? But I haven't hidden it. I swear I haven't. Why should I? Why should... Don't look at me like that. Someone else must have done it. No, don't ring him. Please don't ring him, Gregory. Don't shame him before the servants. Please stop being hysterical. Le Gaslight, ça vient d'un film, donc le film de George Cukor qui date de 1944 et qui s'appelle Gaslight, hantise en français. C'est donc l'histoire d'un mariage où le mari va convaincre sa femme peu à peu qu'elle est folle en baissant les lumières de son cerveau pour la tuer. Donc c'est un meurtre, mais un meurtre très complexe, parce qu'il pourrait la tuer après tout. Donc en réalité, ce qui l'intéresse, c'est moins de la tuer directement que peu à peu de la plonger dans un état de folie qui va être qualifié aussitôt d'hystérie. Your mother was mad. Gregory. She died in an asylum when you were a year old. That's not true. I've talked to the doctor who attended her. It began with her imagining things, that she heard noises, footsteps, voices, and then the voices began to speak to her. And in the end, she died in an asylum with no brain at all. No, please! Oh, no, no. Je pense qu'au fond, ce qui m'a gênée pendant des décennies sur le terme hystérique, je pourrais le résumer à une phrase extraordinaire dans Alice au Pays des Merveilles, c'est ce moment où Alice ne comprend plus rien à ce que tout le monde lui dit. Parce que les mots changent de sens en permanence. Alors elle dit mais je comprends pas, ça veut dire quoi? Et un des protagonistes, une des créatures de ce pays des merveilles, qui est un pays d'horreur en réalité, si on regarde bien ce qui se passe là-dedans, de ce trou dans lequel Alice est tombée, lui dit mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qui a le pouvoir. Bon, on sait qui a le pouvoir quand on entend le mot hystérie. La question du gaslight, c'est la question de ne pas être cru. Moi, ça m'a rappelé les collages féministes qu'on peut voir depuis quelques années dans les rues. On vous croit, on te croit. Mais en réalité, c'est la même question, originellement, de la censure, de la dévaluation de la parole. Ce qui retient toujours l'attention aujourd'hui autour de l'hystérie, c'est la question de sa mise en spectacle. Il n'y a pas énormément de maladies, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, qu'elles soient du côté du domaine des psy ou du côté du domaine organique, il n'y a pas énormément de maladies dont on a tiré des spectacles, de cabarets, des chansons, etc. Aude Fauvel, historienne. Ça se manifeste par le corps, vous tombez par terre ou subitement vous êtes pris d'un nœud, alors vous êtes pris d'une boule hystérique, enfin, vous effondrez, ou en tout cas ça se manifeste corporellement, donc il y a un côté assez spectaculaire dans l'hystérie. Ma définition là maintenant de l'hystérie, ce serait que c'est la même chose que ce que dans le cinéma américain, on appelle le gore. Le gore, c'est quand quelque chose qui est à l'intérieur, les organes, le sang, les viscères, tout ce qu'on ne voit pas dans le corps, sous la peau, va être montré à l'extérieur. Un film d'horreur, quelqu'un se fait massacrer et soudain, on voit le sang, les viscères, tout sort, etc. Mais en fait, l'hystérie, c'est du registre du gore. Donc, il corrèle tout ce qu'il y a à l'intérieur de la femme, et eh bien, c'est ça qui va se manifester à l'extérieur en mots. La vamp, c'est une figure très intéressante. Vamp, c'est un mot anglais qui est le même mot que vampire, vampire. Et elle apparaît au début du cinéma muet américain. On peut dire que c'est une des figures de l'hystérie dans ce qu'elle a de dangereux. Beaucoup plus dans le registre de la gesticulation, presque d'une forme de transe, et évidemment du côté de la sorcellerie. Le fluide le plus dangereux de la femme, c'est la voix, c'est la parole. Pour que vous compreniez le travail que nous menons à l'hôpital, je vais tout d'abord vous présenter une attaque hystérique. Suzanne se met en arc de cercle. Il est aussi complet que possible. Ensuite, Suzanne roule sur elle-même, projette les pieds en l'air, ébauche une demi-culbute, elle se met dans l'attitude de la sirène. Couchée sur le ventre, les jambes fléchies vers le dos, les mains portées en arrière vers les pieds, la tête rejetée en arrière. Dans cette attitude, le corps repose tout entier sur le ventre, décrivant un arc de cercle postérieur qui forme contraste avec l'arc de cercle que nous venons de décrire, et dans lequel le corps repose sur la tête et les pieds. Iconographie photographique de la Salpêtrière, 1876. Dans la description d'hystérie, il y a déjà en soi un côté spectaculaire. Tout ça va se jouer encore plus fortement au XIXe siècle sous Charcot. Et il dit, une des manières aussi de faire en sorte que les gens s'intéressent à l'hystérie, c'est peut-être d'utiliser ce nouveau médium qui est celui de la photographie. Mais le problème, c'est que la plupart de ces hystériques de la Salpêtrière, elles sont pas très présentables. Et donc, ils vont en chercher dès qu'ils sont plus présentables, de telle manière que ses collègues s'intéressent à ces femmes qui n'intéressaient jusque-là plus tellement grand monde. Et ça marche. notamment la fameuse Augustine, qu'on appelle la pin-up de l'hystérie aujourd'hui, qui continue de faire parler d'elle, un siècle et demi de distance. Et dans les images d'Augustine, il y a une photo, on voit Augustine. Aurélie Cachera, psychanalyste. Assise sur une chaise, le fond derrière est noir. Autrice de « Le geste hystérique » autour de 1900. Elle a les cheveux défaits et elle porte donc la chemise blanche des patientes de la Salpêtrière. Toute la partie droite de son corps est paralysée. La chemise a été relevée au niveau du bassin pour qu'on voit vraiment toute la jambe et sa paralysie. La main est contracturée dans cette pose qui est très symbolique des hystériques de la Salpêtrière. Le bras et la jambe droite sont nus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été faites pour montrer que, en fait, les photos de la Salpêtrière sont aussi remises en scène, alors, dans des revues de charme, à l'époque, dans des revues érotiques. Donc, évidemment, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une érotisation. Mais ce que je trouvais intéressant dans cette image, c'est aussi le regard. C'est-à-dire que Augustine regarde vers l'objectif et elle semble, en fait, soutenir le regard du photographe. Ça m'a fait penser qu'il y avait justement un effet de subversion, qu'on pouvait peut-être se réapproprier des gestes qui étaient des gestes d'enfermement, d'oppression, de soumission à un corps médical, pour en faire autre chose, pour en faire une forme d'émancipation féminine. Donc il y a tout ce côté spectacle dans l'hôpital qui déborde au-delà de l'hôpital. Mais dans l'hôpital aussi, ça a double effet. C'est-à-dire qu'il y a le spectacle, entre guillemets, de l'hystérie organisée par Charcot pour ses collègues. Mais il y a aussi les patientes qui sont celles qui sont choisies pour aller donner, en fait, la grande leçon. Et dont il est dit, et commence à y avoir déjà des témoignages à l'époque, que dans le fond, bah, elles savent qu'elles sont choisies. Elles savent qu'il y a des attentes, hein, qu'elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc, il finit par se dire entre patientes, en fait, c'est une sorte de spectacle auquel tu vas participer, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Donc, le discours de Charcot, il va sortir de l'hôpital, hein, il va circuler en dehors, mais le discours des patientes et de ce qui se passe dans l'hôpital va aussi sortir au dehors. Et notamment, il y a un certain nombre de patientes qui ensuite vont devenir des actrices de musical ou bien des danseuses, telle Jeanne Avril, hein, qui va faire Jeanne la Folle, elle va prendre le pseudonyme et qui va faire les mouvements de l'hystérie sur le music-hall. Le docteur Magnan me fit admettre à la Salpêtrière dans le service du grand professeur Charcot, parmi les grandes étoiles de l'hystérie qui, à ce moment-là, faisait fureur. Ces folles filles, dont la maladie dénommée hystérie consistait surtout à la simuler, qu'elle se donnait de peine afin d'attirer sur elle l'attention et de conquérir la vedette. C'était à celle qui trouverait du nouveau, afin d'éclipser ses semblables lorsqu'autour de leur lit, un nombre groupe d'élèves que précédait Charcot suivait avec intérêt leurs extravagantes contorsions, arcs de cercle, acrobaties variées et autres gymnastiques. Elles me faisaient leurs recommandations. Lorsque tu verras arriver un tel, ne manque pas de venir près de mon lit et de m'appuyer très fort sur les ovaires. Sentant proche l'heure de la visite de Charcot, plusieurs piquaient une attaque. Et complaisamment, le moment venu, j'accomplissais ce qu'elle m'avait demandé. Dans ma petite jugeote, je m'étonnais chaque fois que d'aussi éminents savants puissent être dupés de la sorte quand moi, si minime pourtant, je connaissais leur comédie. Jeanne Avril, mes mémoires, 1933. Il y a une sorte de contagion, en fait, entre la photographie, c'est-à-dire photographier les patientes de la Salpêtrière, en particulier les hystériques, et aussi le fait de pouvoir diffuser ces images, et qu'il y a une sorte de discours sur ces images qui va émerger, et donc il y a une forme de porosité entre les arts, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un imaginaire collectif autour de ces images. Elles ont été le support pour plein d'autres œuvres artistiques derrière. Donc déjà, elles ont circulé dans la presse. Il y a des Viennois qui sont venus, qui ont vu les images, qui ont réutilisé les images dans des journaux autrichiens du tournant de siècle, mais pas que. C'est-à-dire que on sait aussi, par exemple, que Egon Schiele ou Kokoschka avaient aussi eu accès à ces images-là par le biais d'un gynécologue autrichien qui avait ces images chez lui. Donc du coup, Schiele va s'en inspirer pour ses tableaux. Et puis aussi, chose très importante, Sarah Bernhardt. évidemment. Sarah Bernhardt, bon ça c'est contemporain de Charcot, mais va à la Salpêtrière, elle va aux Leçons du Mardi, elle s'inspire de ses crises dans sa propre gestuelle. Donc il y a vraiment une porosité comme ça entre la culture et la sphère médicale. Et puis ensuite, c'est la question de l'Arc de Cercle, qui est la figure la plus emblématique de ces femmes qu'on a vues ensuite dans L'Exorciste. Donc il y a une forme de circulation comme ça des images, et de réappropriation, et de transformation, de transfert en fait culturel de ces photographies. La lune a l'air très étrange ce soir. N'est-ce pas que la lune a l'air très étrange ? On dirait une femme hystérique. Une femme hystérique qui va cherchant des amants partout. Elle est nue aussi. Elle est toute nue. Les nuages cherchent à la vêtir, mais elle ne veut pas. Elle chancelle à travers les nuages, comme une femme ivre. Je suis sûre qu'elle cherche des amants. N'est-ce pas qu'elle chancelle comme une femme ivre ? Elle ressemble à une femme hystérique, n'est-ce pas ? Salomé, Oscar Wilde, 1891. C'est un motif comme ça qui parcourt les œuvres d'art et qui montre qu'il y a en fait une survivance de gestes liés à l'hystérie. Quand on pense à l'arc hystérique, on peut penser aux sculptures de Louise Bourgeois. Qui, elle, a fait cet arc hystérique sans tête, et en fait c'est plutôt un corps masculin, fait par une femme. Comment on peut se réapproprier des images pour changer le discours en fait sur ces images-là ? Ça va être approprié dans des pièces de théâtre, ça va être approprié sur la scène du musical, avec aussi tout simplement des mentalistes, des gens qui utilisent l'hypnose, mais plus pour faire du spectacle, dont certains vont prendre le pseudonyme de Charcot. Donc en fait, l'hystérie, elle finit par représenter en caricature et dans les chansons. Bientôt, elle sera dans le cinéma, etc. Donc les gens voient l'hystérie. J'ai chanté les gueux et les filles, tous les purotins du trottoir, dont le cœur bat sous les guenilles d'amour, de jeunesse et d'espoir. Charcot avait nommé deux choses, l'hystéroépilepsie et la chorée hystérique. Et chorée, bien sûr, ça vient de chorégraphie, ça ressemblait à des mouvements de danse, mais évidemment, hors de contrôle. Je dirai dans un dernier souffle une chanson. La première chanteuse épileptique, Emily Becca, c'est comme cela qu'elle s'est appelée. Ray Bess Gordon, autrice de Charcot à Charlot, mise en scène du corps pathologique. Ça a créé un nouveau genre. Elle était suivie par des dizaines et des dizaines de jeunes chanteuses. Et il y en a beaucoup, y compris Miss Dinguette, qui commence comme chanteuse épileptique. Et elle chante une chanson, La Parisienne épileptique, qui commence par les paroles. Quand j'entends la musique, je deviens épileptique. Alors, la Miss, évidemment, Miss Dinguette est devenue la chanteuse, l'artiste la plus populaire en France pendant au moins une trentaine d'années, sinon plus. Mais elle dit en 1908 qu'elle en a marre, fatiguée de faire de l'épilepsie. Ma plus grosse chansonnette, créée et chantée par Mademoiselle Polaire. Mon œil le fascine, même comme un fou, m'appelle son joujou et tout son câline. Voilà une description de Polaire, justement. Polaire est devenue très célèbre, c'était la meilleure amie de Colette. Polaire, l'agitante et agitée Polaire, dans un coursage étroit jusqu'au spasme. La grande bouche vorace, cette face de goule et de Salomé. Quel moulin à café et quelle danse du ventre. polaire gambit, se trémousse, mime toutes les secousses, se tord, se cambre, se cabre, tortidu, trois points, fait des yeux blancs, miaule, pâme et s'évanouit. Et sur quelle musique et sur quelle parole? Cette trépidation incessante, c'est désormais le genre polaire. Colette écrit que Polaire chantait en crispant tout son corps comme une épileptique, en frémissant comme une guêpe engluée. Le café-concert, c'est là où il y a de la participation du public. Et l'effet donc sur le public n'est pas pareil que dans un autre théâtre. Comme on disait à l'époque, ils cherchent tous une secousse. Ils veulent une excitation, une expérience viscérale. Et plus les gestes et mouvements sont déchaînés, osés, exagéré, grotesque ou comique, plus intense sera la réaction inconsciente à l'intérieur des corps de spectateurs. C'est-à-dire que toutes ces œuvres, toutes ces représentations, puisque Jane Avril, elle a été peinte par exemple par Toulouse-Lautrec, mais tous ces mouvements désordonnés, ce qu'on a appelé les danses hystériques, etc., ont été repris par la danse moderne, et également par des avant-gardes de femmes qui disaient, comme Jane Avril, moi ce qui m'a finalement sauvée, c'est de refaire mes mouvements, c'est finalement de m'approprier ces mouvements. Se mettre en spectacle, c'est aussi un empowerment, on dirait aujourd'hui. On peut peut-être, en jouant sa maladie, quelque part s'en libérer, et qui nous concerne jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas mal de mouvements qu'on fait en boîte de nuit, par exemple agiter sa tête d'en haut vers le bas, faire des mouvements un peu désordonnés, déstructurés, ce sont des mouvements qu'on aurait qualifiés d'hystériques au 19e et qui héritent de toute cette manière d'avoir rejoué d'hystérie. J'ai commencé à m'intéresser à l'hystérie d'abord d'une manière très académique, en tant qu'anthropologue, en étudiant l'ethnopsychiatrie et toute la déconstruction des catégories diagnostiques de la psychanalyse et de la psychiatrie occidentale. Hervé-Antoine Münz, anthropologue et performeur. C'était déjà une manière de mettre en perspective la catégorie d'hystérie par rapport à d'autres formes, d'autres pratiques qui, dans d'autres contextes culturels, n'étaient pas du tout pathologisées ou médicalisées. Je pense à ce qu'on appelle très grossièrement les phénomènes de transe dans certains contextes africains ou indiens, par exemple. Une femme, du nom de Trophéa, manifesta la première les symptômes et l'humeur étrange de cette maladie. Comme son mari lui avait commandé quelque chose qui ne lui plaisait pas, pâle de colère, elle fit comme si elle était malade et elle imagina une maladie utile en cette occasion. Elle se mit à danser et elle affirma qu'elle ne pouvait s'arrêter, car rien n'irrite plus un homme qu'une femme qui danse. Et pour que l'affaire parût suffisamment sérieuse et pour confirmer l'apparence de la maladie, elle se mit à sauter, à faire des bonds, chantant, fredonnant, s'effondrant par terre, la danse finie, tremblant un moment, puis s'endormant. Ce qui déplut au mari et l'inquiéta fortement. Sans rien dire et prétextant cette maladie, elle berna son mari. Or, d'autres femmes se comportèrent de la même manière. L'une instruisit l'autre, et tout le monde finit par considérer que la maladie était un châtiment du ciel. À partir des symptômes du mal, on se mit à chercher une cause à la maladie afin de s'en débarrasser. On crut d'abord que c'était Magor, un esprit païen, qui était la cause de cette maladie. Peu de temps après, Saint-Guy prit sa place et on en fit une idole. Et c'est ainsi que la maladie reçut le nom de « la danse de Saint-Guy ». Par la suite, cette croyance se propagea et la maladie finit par recevoir droit de cité. Paracelse, œuvre médicale, vers 1530. Les mouvements du corps font souvent peur parce qu'ils contiennent une propension à la subversion, à l'inversion des ordres établis, à la contestation. En Europe, depuis le bas Moyen-Âge, la danse et plus largement l'expression corporelle sont des questions éminemment politiques. D'où l'émergence de la notion de corémanie au XVIe siècle. Cette notion est inventée par Paracels, un médecin et alchimiste suisse. Elle désigne un phénomène social qui sévit par vagues de contagion et conduit des individus à réaliser sans s'arrêter des mouvements irréguliers, incontrôlables et involontaires. Des mouvements qui peuvent conduire à l'épuisement et à la mort. Et quand ils ne sont pas appelés corémanistes, ces phénomènes sont désignés comme des manies dansantes, des épidémies de danse, des pestes dansantes ou des danses de transe. Ils ont longtemps été perçus comme les fruits de possessions diaboliques ou d'actions de Saint Guy, un martyr chrétien du IIIe siècle, originaire de Sicile, à qui on attribuait la vertu de guérir de la bougeotte, mais aussi de punir par elle. Et c'est cette ambivalence qui a donné lieu aux expressions « danse de Saint Guy » ou « mal de Saint Guy ». Aux confins de l'Italie du Sud, l'insoutenable chaleur a déjà mûri les blés et les seigles. La peau de la terre éclate comme la boue des marais asséchés. Le ciel est bas et embrasé et lourd, la pierre brûlante sous le pied nu. L'eau ruine parfois, mais ici, à Salento, elle manque terriblement. Alors, dès les premières chaleurs de mai, la tarentule, cette grosse araignée velue, dont la piqûre, dit-on, est venimeuse, sort des rocailles. Les paysannes et les paysans que les tarentules ont piqués ou simplement effleurés affluent vers le petit oratoire de Galatina, dans la province de Lecce. C'est qu'une croyance séculaire, l'une des dernières du vieux monde, veut que la tarentule n'inocule pas seulement son venin dans le corps, mais aussi le mal dans l'âme. C'est une pratique qui s'est développée dans les suds de mon pays, Italie, dans les Pouilles et dans la Calabre. Sylvia Lippi, psychanalyste. À partir de cette piqûre, c'était la crise hystérique. Avec des manifestations corporelles très exaspérées, les corps en trouble. Cette femme, pour guérir du tarentisme, a décidé de danser. Et une fois par an, une seule fois, un jour de juin, tous ceux qui se croient touchés par la monstrueuse araignée doivent se livrer aux incantations et aux accès d'hystérie que vous allez vivre. Les femmes et les vieux, les femmes surtout, croient au pouvoir maléfique de la tarentule. Et sur cette terre d'Italie du Sud, cette terre âpre et violente, où la superstition dispute à l'esprit ce que le soleil n'a pas brûlé, voici venu le temps des incantations et des danses païennes pour qu'un dieu chrétien arrache des pieds nus et des esprits malades la douleur simulée des victimes de l'araignée démoniaque. À partir de cette transformation, de cette mutation, métamorphose du corps, elle pouvait guérir, entre guillemets. Entre guillemets, parce que souvent, ça durait un certain temps, et après, les effets de la piqûre, ou alors une autre piqûre, étaient faits, donc ça recommençait. C'était des danses qui étaient collectives, avec un rythme particulier. Il y avait des formes différentes, des mouvements. Ça pouvait être par terre. Dans les cas de la tarentelle, il y a quand même de la parole, parce qu'il y avait des chants. Et il y a du corps. C'était une imitation de la manière avec laquelle, disons, cet animal s'est représenté dans le monde. Et vous voyez, l'imiter, ça veut dire aussi essayer de les rencontrer. C'était une manière de s'adresser à l'autre. Il est difficile pour les non-initiés de retrouver dans l'hystérie des danses et des cris l'expression de la foi. Mais il est difficile pour les initiés d'abandonner leurs croyances et de nier subitement le miracle annuel de Galatina. Il y a quelques années, j'ai commencé à danser et j'ai eu envie de créer une performance qui s'appelait Discopathie. Dans ce spectacle, on s'est amusé à repérer dans les clips de Rodens des années 90 des gestes et des figures que les sciences médicales, psychiatriques ou psychanalytiques avaient auparavant qualifiés d'hystériques. Comme par exemple la catégorie diagnostique des restless legs, des jambes sans repos. Les gens qui bougent leurs jambes en permanence, une espèce de compulsion somatique qui fait que vous ne pouvez pas vous arrêter de bouger même quand vous dormez. On s'est aussi inspiré de l'imaginaire visuel des leçons de médecine de Charcot à la Salpêtrière. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de réinvestir les gestes hystériques, mais plutôt de repenser les traces de ces gestes dans les pratiques corporelles actuelles. Donc repenser les gestes de l'hystérie, c'est pas réécrire l'histoire, c'est plutôt montrer en quoi les mouvements excessifs, les petits à côté maniaques, nous constituent toutes et tous au quotidien. Et pas seulement de manière affective et individuelle, mais aussi de manière sociétale et collective. Vous voulez bien me répéter votre nom? Oui. Vous m'avez dit originaire de? Originaire de! Vous avez des problèmes. Des problèmes de jeune fille. À force de me traîner dans les hôpitaux et les asiles psychiatriques... Non, ne vous agitez pas, répondez-moi. D'écouter parler les médecins et les malades, j'ai très vite réussi à dresser mon état clinique. Alors... Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis quand même pas qu'une obèse qui a besoin d'être aimée. Vous descendez votre culotte, s'il vous plaît. Vous descendez votre culotte. Vous descendez. La réaction d'une partie des spectateurs m'a révélé une chose dont je me doutais vaguement, qui est une force lointaine violente qu'on appelle hystérie. Les hystériques se reniflent très vite. Il y a des codes inconscients qui passent par le corps. J'ai toujours entendu parler de l'hystérie avec mépris. Alors je me suis dit, bon... J'ai une dose d'hystérie, j'en ai même plutôt trois qu'une. Elle est là. D'où elle vient, c'est difficile à savoir sans faire une analyse. Au lieu de la réprimer et de la planquer, il vaut mieux faire avec, c'est-à-dire l'observer, l'accepter, l'aimer et l'apprivoiser. Je suis absolument consciente que certaines choses que je fais en scène, qui passent directement par mon corps, sont hystériques. L'hystérie m'aide à être plus entière. Elle me permet d'entrer complètement dans un personnage en m'oubliant. Et après, je me retrouve. Le vase, s'il vous plaît. L'hystérie est aussi une force nerveuse, une réserve d'énergie qui peut se tirer, comme un élastique. Si tu tires trop, ça pète. Quand je travaille, je maîtrise très bien cette violence qui m'habite. Zouk par Zouk, entretien avec Hervé Guibert, 2006. C'est une figure comme une autre, c'est-à-dire que c'est une façon d'être et qu'elle n'est pas négative. Moi, je l'opposerais à une figure qui serait complètement sous contrôle, par exemple. C'est comme si c'était un peu deux pôles d'un rapport à l'affect ou d'un rapport aux émotions très différentes. L'hystérique étant dans quelque chose qui serait plus lâché. C'est aussi le corps qui devient le théâtre de quelque chose dans l'hystérie à la base. Et c'est ça que je trouve peut-être beau et poétique. C'est que un membre ou une fonction ou un organe, finalement, se fasse le théâtre d'une scène inconsciente de quelque chose. Ça, je trouve ça assez fascinant, que le corps vienne jouer quelque chose comme au théâtre. Je pense que c'est ça que j'entends beaucoup dans l'hystérie aussi. Y a-t-il quelque chose que je sais et que les autres ne savent pas, que je sens et que les autres ne sentent pas? Quand les blues cherchent à poser un diagnostic sur mon mode de vie, y a-t-il quelque chose que je veux dire? Autiste, la science de mon corps. Dépressive, le corps de mon ombre. Bipolaire, borderline. Hypocrite, hystérique. Sanguinaire, poète. Je m'appelle Séverine Daucourt, je suis poète et je suis psychologue, clinicienne. Il arrive toujours des moments où tout s'entrecroise en fait. Je suis devenue clinicienne parce que j'ai eu une adolescence, on va dire, explosive et très pathologique et donc un passage à l'âge adulte impossible, un grand moment de dépression, de décompensation suicidaire à 20 ans. Je pense aussi à l'âge où le corps se métamorphose de façon tellement spectaculaire et violente que ça passe ou ça casse, quoi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas les assises, c'est l'impasse. le désastre. Et j'ai été hospitalisée en psychiatrie et j'ai donc tout arrêté à ce moment-là de ma vie. C'est peut-être un sentiment d'inadéquation ou de décalage que j'ai toujours ressenti. Mon rapport au corps féminin, il est peut-être un peu particulier parce que j'ai un père qui était gynécologue et une mère qui était sage-femme. Et donc j'entendais énormément parler de règles, d'hémorragie, de primipare, de primigeste, enfin voilà, des mots qui au départ ne voulaient rien dire. J'ai eu quand même un rapport très particulier au corps de la femme et probablement découvrant le mien, j'imagine que ça induit pour moi des allers-retours entre ces représentations, ces mots, ces connaissances en fait, et empiriques et théoriques que j'avais et ce que je vivais. Psychologue clinicien, code ROM K1104, profession multiforme. Le pouvoir d'écrire de la poésie d'abord s'ignore et ensuite éclate. Grande différence avec le psychiatre, le psychologue ne prescrit aucun médicament. Il y a beaucoup de poètes derrière les barreaux. Quand je mélange ma vie de folle, ma vie de poète et ma vie de psy, ils ont trop voulu correspondre à leur réalité. Mais la réalité n'a rien de magique. Quand je trouve qu'elles vont bien ensemble. Poète, pas de code de métier. Profession multiforme, absence de définition. Dans le livre, et je repensais à toute cette période de ma propre adolescence, de mon hospitalisation en psychiatrie. Et puis j'y ai introduit une troisième voie qui est celle des discours de la psychiatrie, en fait, sur le trouble mental, notamment celle des manuels diagnostiques. Mais je les déjoue complètement. C'est-à-dire, c'est pas des citations. Je les fais dériver, je les fais se déliter parfois dans les mots mêmes ou dans la langue. J'essaye de voir ce qu'ils peuvent avoir de plus fou que la folie. Et dans le livre, j'écris, je suis folle, je suis hystérique, je suis tout ça. Et peut-être que je ne suis rien de tout ça non plus. C'est-à-dire le jeu, il dépasse aussi tout ce qu'on a pu se coller à un moment comme étiquette pour les défiger un petit peu ou pour leur donner moins d'importance que ce qu'elles en ont. Samedi, 12 juillet 1958. Où était la vie ? Elle se dissipait, s'évanouissait totalement. Je restais là paralysée, avec l'impression de n'avoir personne au monde à qui parler. Entièrement coupée de l'humanité, dans un vide auto-induit. Je me sentais de plus en plus mal. Je ne pouvais être heureuse qu'en étant écrivain, mais j'étais incapable d'en être un. Incapable d'écrire même une phrase, paralysée par la peur, une hystérie mortifère. Assise dans la cuisine chaude, je ne pouvais blâmer ni le manque de temps, ni le mois de juillet étouffant, rien que moi. Les œufs durs blancs, la salade verte et deux côtelettes de veau d'un rose suave me mettaient au défi de faire quelque chose d'eux, d'en tirer un repas. J'avais vécu dans le rêve futile d'être un écrivain. Journaux. 1950-1962, Sylvia Place. Je pense que je suis l'héritière, que je porte en fait le legs de toutes ces œuvres niées, comme un grand fantôme qui m'accompagnerait. C'est vrai que pendant très longtemps, il n'y avait pas de figure de la poète, donc c'était réglé. Je me suis sentie une grande sororité, des autres comme Sylvia Place, qui était quand même dans l'ombre, très consacrée à leur quotidien de mère, de... Et dont l'écriture était très ancrée aussi dans le trivial, justement. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, beaucoup... dans quoi je me suis beaucoup reconnue. J'étais contente, moi, de trouver des autrices qui parlent de cette vie de tous les jours. Toutes les écrivaines qui ont réussi à écrire étaient des écrivaines captives de leur foyer. Je pense à Jane Austen, Emily Dickinson, je pense à Aux Bronte, même Sylvia Plath. Ce thème de la femme au foyer, c'est un topos particulièrement de la littérature anglo-saxonne. Il faut se rappeler que les femmes, en fait, à partir des Grecs, étant interdites d'extériorité, d'extérieur, de monde extérieur, de monde public, elles vont être amenées à ce qui est condamné dès le départ, c'est-à-dire l'intérieur. En fait, elles sont réduites à l'intérieur les organes, l'utérus, et elles restent dans leur cuisine, Et ensuite, quand la femme a bien moisi dans sa cuisine et qu'elle, ça la rend dingue, d'ennui, elle est à nouveau hystérique. Et du coup, il y a eu énormément de ces personnages de femmes au foyer qui pètent les plombs. Si un médecin de renom et son propre époux certifient aux amis et aux proches qu'il ne faut vraiment pas s'inquiéter, que ce n'est qu'une dépression nerveuse passagère, une légère tendance hystérique, que peut-on y faire ? Je suis maintenant assez en colère pour commettre un acte désespéré. Me jeter par la fenêtre serait un tour admirable, mais les barreaux sont trop solides pour même y penser. D'ailleurs, je ne m'y risquerai pas, certainement pas. Je sais bien que franchir le pas n'est pas convenable, cela pourrait être mal interprété. Même regarder dehors par les fenêtres, je n'aime pas ça. Ces femmes qui rampent sont si nombreuses et elles rampent si vite. Je me demande, elles sortent toutes de ce papier peint comme moi ? Charlotte Perkins Gilman, quand elle écrit le papier peint jaune, ça raconte ce qu'elle-même a vécu et dont elle s'est sortie ensuite en se mettant à écrire. C'est l'histoire d'une femme qui vient d'avoir un enfant et qui est enfermée par son mari médecin, son frère médecin aussi, enfin toute sa famille, à l'intérieur d'une maison et à l'intérieur d'une chambre, au point que dans cet état de captivité, la première chose et la plus essentielle, c'est qu'il lui est interdit d'écrire. Elle doit se cacher pour écrire. L'écriture est censée nuire à sa santé. Et donc cette femme qui est donc qualifiée d'hystérique par un médecin, un mari médecin, donc qui porte un diagnostic sur sa femme, elle va être tellement réduite à l'état de captivité, on lui interdit de sortir, même aller dans le jardin est dangereux, je ne parle même pas de sortir dans la rue, en dehors de la maison, etc. Au point qu'elle est réduite à fixer le mur, sur ce mur il y a un papier peint, et peu à peu elle va entrer dans le papier peint. Plus elle est qualifiée d'hystérique, et plus l'enfermement qu'on lui impose en la qualifiant d'hystérique la rend folle, en fait. Ce qui est extraordinaire d'un point de vue littéraire dans le texte de Perkins Gilman, c'est la porosité, c'est-à-dire c'est le gothique. Puisque la femme est toujours qualifiée d'intérieur, qui n'a pas le droit de s'exhiber à l'extérieur, eh bien jouons au contraire, retournons pour le coup ce stigmate de l'hystérique en jouant radicalement la porosité et en rendant complètement indiscernable la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on ne sait plus si le papier peint est dans sa tête, si elle-même est sur le papier peint, les frontières s'estompe complètement, puisque cet espace de la frontière, qui est l'espace de la censure, le mot hystérie, hystérique, c'est, il définit une censure qui définit une frontière, c'est la même chose. Donc là, les frontières sont brouillées. J'ai fini par faire une véritable découverte. À force de temps le surveiller la nuit, dans toutes ces métamorphoses, j'ai enfin trouvé. Le motif au premier plan bouge vraiment. Et ça ne m'étonne pas. C'est la femme derrière qui le secoue. Parfois, je me dis qu'il y a une multitude de femmes et parfois qu'il n'y en a qu'une. Et elle rampe dans tous les sens et elle en secoue tout le papier. Je pense que cette femme s'échappe pendant la journée. Et je vais te dire pourquoi. Rien qu'à toi, je l'ai vue. Il s'est arrêté net près de la porte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il hurle. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ? J'ai continué à ramper comme si de rien n'était. Mais je lui ai jeté un regard par-dessus mon épaule. J'ai enfin réussi à sortir malgré toi. Et j'ai arraché presque tout le papier, alors tu ne peux plus m'y enfermer. Une des possibilités, c'est la fuite. Il y a énormément dans la littérature, dans le cinéma, dans les séries aussi américaines, beaucoup se topposent de la fugitive. C'est-à-dire se dissoudre totalement dans l'anonymat. Puisque la femme n'est confinée dans cette vie domestique, qui est une vie invisible, pourquoi ne pas devenir totalement invisible ? Au point que peut-être, là, elle pourra renaître. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, de nouveau, l'hystérie est très à la mode. Post-hashtag MeToo, beaucoup de retours de l'hystérie dans cette critique féministe, donc plutôt de dénoncer un certain discours médical, d'emprisonnement du corps, etc. Mais sur l'autre versant, on a aussi une espèce de retour finalement de ce qu'avait déjà commencé au début du XXe siècle avec ce premier mouvement de vague féministe et dans les années 20, de réappropriation par les personnes concernées, ou en tout cas qui se sentent concernées, et au premier motif par les femmes. Eh bien, tout ça, ça revient à la mode aujourd'hui, autour d'une effervescence générale, hein, autour de la danse, de l'empowerment, de mieux sentir son corps, de self-help, de mieux être par le corps, et puis aussi d'un retour, hein, de questionnement sur les identités de genre, sur qu'est-ce que c'est être un homme, être éventuellement un homme hystérique, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, avoir été qualifiée, médicalisée, et puis en fait ne pas être d'accord avec ça. Et donc l'un dans l'autre, ça fait qu'on a aujourd'hui tout un retour de tout ça et beaucoup d'intérêt du public. C'est intéressant et peut-être pas tout à fait anodin de rejouer l'histoire. Même joie et même espérance, viens avec nous la partager. La perpétuelle indulgence peut aujourd'hui te libérer. Gloria, Rita du Calvaire. Dans mon parcours militant, il y a eu plein de choses, mais j'ai co-fondé l'Association des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence en France. C'est un mouvement international qui est né aux États-Unis en 1979. C'est un mouvement qui s'intitule « De folle radicale », qui consiste à se présenter au public habillé en sœurs. Alors, des sœurs un peu particulières, hein, très colorées, maquillées. Rita du Calvaire. Jean-Yves Le Tallec, sociologue. Le terme « folle », bon, c'est un terme historique qui s'applique à l'homosexualité masculine essentiellement. Une folle, c'est un homme homosexuel, efféminé pour le dire vite. C'est un stéréotype qui date de fort longtemps, mais là qui est réapproprié dans une affirmation. Bah oui, on est folle, on est folle. Et radical, c'est le côté visible, le côté revendicatif. Le côté, ben non, on va pas disparaître, ben non, on va pas enlever nos robes, mais on va vous parler de notre position et de comment on voit la société, etc., etc. Ce terme, en fait, il résume tout un tas de courants de pensée de la fin du 19e, et ça tourne autour de deux pôles, un qui est l'inversion, c'est-à-dire une manière de comprendre l'homosexualité comme une inversion dans le système sexe-genre. C'est-à-dire, un homme homosexuel est forcément efféminé. La déviance de sexualité est associée à une déviance de genre. Mais c'est stéréotypique, bien sûr, hein. Et le deuxième pôle autour duquel ça tourne, c'est la psychiatrisation des déviances, en général. Et des déviances de sexualité en particulier, et de l'homosexualité tout particulièrement. Alors, dans cette fin du 19e siècle, évidemment, la grande affaire, l'une des grandes affaires de la psychiatrie, c'est l'hystérie, avec en tête de gondole Charcot, qui, à un moment donné, essaye d'englober l'homosexualité masculine dans ce diagnostic. Et puis, il laisse un peu tomber l'affaire. Mais un de ses collègues, Magnan, lui, il poursuit assidûment cette caractérisation d'une hystérie masculine, hein, qui recouvrirait en fait la déviance de sexualité et de genre, qui recouvrirait le stéréotype en fait de l'homosexuel efféminé, de la folle. Il est dans l'esprit des sœurs d'être d'abord et surtout amour. Cela, tu l'as bien compris, ma fille. Toi qui as choisi de prendre pour nom Valentine, version féminine du Valentin des amoureux. Toi qui as choisi le rose comme couleur de l'amour et des folles. Et puis, lorsqu'on te ressort quelques vieilles valises, tu sais aussi prendre la distance juste et être pleinement et entièrement sœur. Il y a l'expression « folle hystérique » qui est quand même employé assez souvent. Moi, je l'ai entendu maintes fois, je l'ai certainement employé aussi. Alors, la folle hystérique, c'est évidemment la folle qui en rajoute dans une forme d'excès de la gestuelle, de la parole, de l'apparence, de la posture, du comportement, etc. Donc, ça peut s'employer La folle hystérique, c'est vraiment la grande folle. Danse, ris, souris, abonde de douceur, comme tu peux le faire souvent, déjà, dans ton rôle de novice. Le terme folle ou l'expression folle hystérique, aujourd'hui, est une désignation essentiellement réappropriée. C'est-à-dire que on ne peut pas l'employer n'importe quand et n'importe qui n'est pas autorisé à le dire. Donc folle, c'est plutôt employé entre soi, entre folle, entre gay, etc. Alors faudrait passer peut-être par le camp. C'est un terme qui est quasi intraduisible en français, qui utilise un équivalent un peu rapide, qui serait la subculture ou la culture des folles. Et c'est aussi un lien social. Le camp, il sert à deux choses, à évoluer dans le monde hétérosexuel, dans le monde normatif, sans faire de faux pas, et en même temps, en étant capable de repérer ses semblables. Donc il y a tout un système de signes, de termes, de comportements, etc. Et c'est aussi un lien quand on est entre soi. C'est tout un jeu d'attitude, de langage, de façon d'entrer en relation, de se comporter. C'est là où on parle au féminin, c'est là où l'extravagance, les postures... C'est à la fois être décalé par rapport à la norme, c'est incongru, c'est à la fois être visible, c'est théâtral. Au-delà de la question du genre, ça met en avant que tout ceci n'est peut-être qu'un jeu de représentation, c'est-à-dire ce sur quoi se fonde la norme de genre. Il y a un mythe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment... une fiction, voilà, pour le dire, que je le dirais en des termes romanesques, l'hystérie, c'est une fiction. Il y a une fiction, voire une élucubration, et puis il y a un récit. Dans les périodes de grandes contraintes, oppression, le camp, c'est un moyen d'entrer en relation avec ceux qui vous oppressent. Et la manière de le faire, c'est de les faire rire. En riant de soi-même, on les fait rire de soi. Et c'est un moyen de trouver une place, si petite soit-elle, dans un monde de contraintes imposées par la norme. Je viens d'une culture LGBT très forte, où il y a vraiment cette tradition de réappropriation d'insultes comme PD, Gwyn, par exemple. On ne peut pas choisir ce qu'on va nous renvoyer, de quoi on va nous qualifier. Par contre, on peut choisir ce qu'on en fait. Noémie Grunenwald, fondatrice de la maison d'édition, Hystérique et Associée. Et cette idée de réappropriation, elle est très ancienne. Hein. Enfin, très ancienne. En tout cas, pour les milieux dont je parle, à partir du moment où on ne cherche plus à se défendre de ce terme, il y a une espèce d'accès à une forme de liberté totale et de refus de l'assimilation, de refus de chercher à s'intégrer. Le début d'une possibilité de construire complètement autre chose selon des termes qui sont propres. Et je pense que c'est un bon exemple de redéfinition de la discussion, en fait. De dire, non, c'est pas de l'hystérie, c'est de la colère. Et du coup, j'y vois vraiment une dimension un point de rencontre entre plein de catégories sociales qui peuvent se reconnaître dans cette question de la réappropriation de l'hystérie. Et donc pour moi, c'est un terme qui a une dimension quand même assez fédératrice. Comment s'en sortir ? Soit on milite pour être tous et toutes des hystériques, bon, je sais pas. Moi, je pense que le seul moyen de s'en sortir en général dans la vie, c'est par l'ironie. Parce que, est-ce que les structures patriarcales vont changer ? Je le souhaite, mais je sais pas dans quelle chronologie. Il y a une historicité des mots qu'on emploie. Nous sommes constitués par le langage qu'on emploie, donc nous sommes constitués par cette historicité. Il faut la connaître. Une fois qu'on la connaît, on peut jouer avec. On joue avec, on tourne autour, on n'y croit plus. Puisque nous, les femmes, on est censées ne pas être crédibles, eh bien, cessons de croire à certaines choses qui sont dites de nous. Déjà, c'est énorme. Et l'ironie, évidemment, elle est salvatrice. Comme c'est ce que dit Hegel du personnage d'Antigone. L'Antigone de Sophocle, à un moment, elle dit « À Créon, moi, j'y crois pas à tes lois. » En fait, tu me jettes tes lois patriarcales, eh bien je te le dis, tu peux bien me tuer, tu peux bien faire de moi la victime de ces lois, mais en fait, je n'y adhère pas. Sa parole à elle est dévaluée, et Hegel dit, c'est l'ironie féminine qui détruit cette communauté-là, ce patriarcat-là. C'est extraordinaire quand même. Une femme repose enterrée sous moi, inhumée depuis des siècles, présumée morte. Une femme repose enterrée sous moi. J'entends son doux murmure, le grésillement de sa peau de parchemin, en lutte contre les plis de son linceul. Ses yeux sont transpercés par des aiguilles, ses paupières de mites palpitantes. Une femme repose enterrée sous moi, rêvant qu'elle traverse les cornes de la lune et s'éveille au pied de son pont. Une femme repose enterrée sous moi, vêtue de noir, la lune répand sa lumière, une fragile peau de serpent qui effleure mon visage. Une femme repose, enterrée sous moi. J'entends son doux murmure, le grésillement de ses ailes de parchemin, en lutte contre les plis de mon linceul. Une femme repose enterrée sous moi. J'émerge couverte de boue. Des brindilles tombent de mes yeux. Je me dresse, hume chaque fleur, touche les quatre directions et les arbres en feu. Dans mes mains, ma vie. Folie furieuse, deux naufrageurs, liaison dangereuse, de tête à cœur, tête oublieuse, cœur en chaleur, folie furieuse, pile et secteur. Il y a des soirées sauvages et lunaires, c'est la mer en furie, figée dans la nuit claire. Il y a des saphirs tranchants comme un éclair, en forme de menhir, de bonheur ou d'enfer. Il y a des lueurs de perles satinées, douces comme des pleurs calmées par des baisers. Je ne suis qu'une oie blanche ayant couvé l'œuf d'or du monde et qui se penche sous le poids de la mort. La lumière la blesse de sang blessure noire. Son pauvre cœur en laisse se déchire et s'effare. Elle essaie d'enterrer ses splendeurs orageuses sous les monts escarpés de sa folie furieuse. Les fantômes de l'hystérie, avec Hélène Frappa, Sylvia Lippi, Aude Fauvel, Aurélie Cachera, Séverine Daucourt, Ray Bess Gordon, Noémie Grunenwald, Hervé-Antoine Muntz et Jean-Yves Le Talec. Merci à Gérard Watkins et Maki Xenakis. Documentation sonore et musicale, Marion Guilaine, Antoine Villoz, Abigail Sands et Mylène Touché. Prise de son, Yann Frécy, Élise Le, Titouan Oex. Mixage, Antoine Viosa. Lecture, Mélissa Barbeau et Estelle Meyer. La série documentaire, Perrine Carvran, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Les fantômes de l'hystérie, une série de Pauline Chanu, réalisée par Annabelle Brouard.